Chapitre 29e. Après le récit des premières surprises qui les attendaient en Géorgie, le duc continua en ces termes. C'était véritablement l'intention de Gilbert de toucher barre seulement à Tiflis et de nous suivre dans les montagnes. Nos entretiens sur les hasards d'une guerre d'embûches et d'alertes l'avaient électrisé. En outre, il n'a pas encore pu se mettre d'accord avec lui-même sur la nature des sentiments que lui inspire la princesse. Il était donc sincère quand il lui parlait de son désir de partir immédiatement. Mais s'il eût agi véritablement par ruse, il n'eût pas mieux réussi. Son indifférence piqua la belle étrangère. Elle est de ces femmes que la contradiction irrite. Gilbert nous avouait au retour que jamais il n'avait surpris dans son regard clarté plus douce et plus engageante. Elle avait presque l'air de me voir, et ses yeux verts en étaient bleus, nous a-t-il dit. Henri a bravement brûlé ses vaisseaux. Pas un soupir, pas un regret. Il ne pense qu'à la guerre, mais je vois bien qu'il n'a point oublié Mademoiselle de la Morlaix. Il ne l'a vue que deux fois, et elle a fait une vive impression sur son cœur. Est-ce un mal, est-ce un bien? Qui sait? Il ne perd jamais une occasion de m'en parler, et c'est toujours avec un accent sérieux et convaincu qui m'étonne. Henri est-il de ces hommes qui ne vivent que pour aimer? Dois-je voir dans cette prédisposition au sentiment tendre et exalté l'influence du sang maternel? Je me rappelle les confidences de Philiberte et les orages qui ont bouleversé un temps ce cœur, plus tard reconquis par la pitié. N'ont-ils pas laissé une trace dans le cœur de l'enfant? Porté dans ses flancs, nourri dans ses entrailles, n'est-il pas comme un reflet de celle qui n'est plus, un être fait à son image et tout pétri de sa substance? Mais en dehors même de cette loi mystérieuse qui lie le fils à la mère, n'ai-je pas connu des créatures mortelles dont l'âme errante ne se lassait pas de chercher, et qui, déchirées 20 fois, ne voulaient de repos qu'à l'ombre d'un cœur qui se donnait tout entier? Il est certain que cette rencontre à la Cormelle a quelque chose de singulier qui doit frapper vivement un esprit prévenu et disposé aux longues rêveries. Pas plus que mon fils, Mademoiselle de la Morlaix, n'a perdu le souvenir de la première visite qu'elle a faite dans cette tranquille métairie où j'ai compté tant d'heureux jours. Quelle sympathie soudaine entre ces deux êtres, l'un déjà en pleine adolescence, l'autre encore dans toute la naïveté de son babil enfantin. Comme elle était à l'aise dans ses bras, comme elle y dormait souriante et confiante. Des années se passent, et un jour elle retourne à la Cormelle, et les paroles surprises dans les épanchements d'une conversation intime témoignent d'une mémoire fidèle et douce. Ainsi, un sentiment sérieux ramenait la jeune fille au même lieu qu'elle avait traversé tout enfant. Puis-je m'étonner si Henri est troublé? Combien de fois, dans nos conversations, n'ai-je pas surpris en lui une disposition particulière à croire à des influences mystérieuses dont les forces occultes dominent la volonté et régissent certaines existences? Il a cette conviction que des âmes s'attirent, se heurtent, se confondent ou se brisent sans qu'elles puissent, malgré tous les efforts de la prudence humaine, échapper à leur destinée. Ces entraînements, contrariés par des résistances qui n'en acceptent pas les nécessités, expliquent ces grands troubles, ces luttes, ces déchirements, ces révoltes, dont certains êtres marqués d'un soin invisible donnent le violent spectacle. Est-il, en effet, dans l'ordre des choses morales, des lois inexpliquées et puissantes qui agissent avec l'énergie foudroyante de l'électricité dans l'ordre des faits matériels? Et l'homme est-il soumis à son insu à des forces latentes dont il ne peut ni mesurer l'étendue, ni régler la marche et les explosions? Il a aujourd'hui cette conviction qu'un courant le pousse vers Mademoiselle de la Morlaix. Elle envoie une preuve dans le hasard qui, deux fois, a placé sur son chemin une jeune fille que sa mère, par des raisons que j'ignore, voulait éloigner de ceux qui portent notre nom. Maintenant, en dehors de ces considérations qui relèvent de la philosophie, qu'ai-je donc fait à Madame de la Morlaix? Quelle place ai-je tenue dans sa vie? Nous ne sommes plus autant des Capulet et des Montaigu. Pourquoi cette haine, dont j'ai saisi la trace dans ses yeux et dont la flamme a brillé tout à coup? Je cherche comme un voyageur qui erre au milieu de la nuit, dans un pays dont les sentiers lui sont inconnus. Mon souvenir, pas plus que ma conscience, ne me disent rien. L'autre jour, le nom de Mademoiselle de la Morlaix a été prononcé entre nous. Je ne sais plus dans quelles circonstances. Quand je la reverrai, m'a dit Henri tranquillement, je lui parlerai de la Cormelle. Je l'ai regardée, alors, s'interrompant et d'un air grave. N'en doutez pas, a-t-il repris, je la reverrai. Cette complète assurance m'ébranle moi-même. La rêverie est-elle plus près de la vérité que mon expérience? Nous avons rencontré la princesse Vasilissa aux réceptions du prince B. Gilbert nous a présenté à son héroïne. Elle nous a reçus avec cette liberté que les étrangères apportent dans leurs relations. On peut croire, après avoir causé 10 minutes avec elle, qu'on les connaît depuis 10 ans. Mais ce n'est qu'une surface, un vernis. Elles mettent dans l'oubli la même aisance que dans l'accueil. On était au nombre des amis. On rentre dans la foule des inconnus. Les novices se laissent prendre ces banalités assaisonnées de grâce. La cause en est dans ce perpétuel vagabondage qui les promène de capitale en capitale. Elles en effleurent les salons, s'en assimilent le babil et disparaissent sans laisser plus de traces que le passage d'un oiseau dans l'air. Se rencontrent leur agrément. On a la gaieté, le feu, le mouvement d'un esprit qui s'ouvre sans se livrer. J'ai bien observé Gilbert pendant cette première soirée. Il est maître de lui, mais avec des frissons qui pourraient faire croire qu'il ne le sera pas toujours. Ces deux natures, mises en contact par un hasard, s'attirent et se repoussent avec une égale énergie. Laquelle de ces deux forces l'emportera? Là est la question, comme disent les Anglais, qui aima se rappeler Shakespeare. Je ne parierai ni pour l'une ni pour l'autre. Ce sera peut-être un roman. Peut-être aussi ne sera-ce pas même une aventure. Un choc, un mot, un caprice peuvent tout rompre, comme une rencontre et un babillage ont tout noué. Le plus clair jusqu'à présent, c'est qu'il y a lutte et combat. La princesse y met du persiflage et une certaine coquetterie. Gilbert de la nonchalance. Il agit comme un homme qui a pris son parti d'être battu. Il se fait petit pour qu'on ne l'écrase pas, humble pour n'être pas humilié. Mais avec une pointe d'ironie par quoi il se relève. Un instant, elle l'a plaisanté sur son voyage. « Vous êtes de la race des chevaliers errants, » a-t-elle dit. « Cet équipé, en effet, me rappelle Don Quichotte, » a répondu Gilbert. « Mais un Don Quichotte qui ne croit pas à Dulcinée. » La princesse n'est pas telle que je la supposais, d'après le peu de mots que nous en avait dit Gilbert. C'est une femme qui, par instant, a une réelle distinction. Son esprit est alerte et vif. Est-elle véritablement belle ou simplement jolie? Je ne sais. Mais ce qu'elle a de charmant, c'est la physionomie. On n'en vit jamais de plus mobile et de plus expressive. Toute la gamme des sentiments y passe en 4 minutes. Elle a les yeux verts, avec 1000 points d'or lumineux qui brillent dans la prunelle. On dirait une émeraude éclairée par un rayon de soleil. Mais ce qu'elle a d'irrésistible, c'est la bouche. Le diable l'a faite un peu grande, pour que toutes les séductions s'y puissent confondre. Elle a une profusion extraordinaire de cheveux blonds, avec un port de tête qui me rappelle certainement Hérodiade, que j'ai vu dans les galeries italiennes. Le bon et le mauvais sont pêle-mêle dans ce cœur-là. Monsieur de Bléret et moi avons été en reconnaissance dans la montagne. Quelques circassiens nous sont apparus couverts d'armes magnifiques. Il n'y a plus que les sauvages pour avoir des airs de grands seigneurs. Chemin faisant, le breton a tué un chevreuil dans un ravin et quelques canards sur un étang. « La barbarie a du bon, » a-t-il dit. Nous partons dans 3 jours. Le corps d'armée auquel nous appartenons et que le prince B commandera en personne est d'une force respectable. Toutes les tribus du Caucase ne l'entameraient pas en race campagne. Mais réussira-t-il à briser le cercle d'une résistance augmentée encore par des obstacles matériels presque insurmontables? Les épreuves en seront meilleures pour Henri. Le prince B veut frapper un grand coup, et si mon fils ne voit pas une bataille rangée, il connaîtra de la guerre tout ce qu'elle a d'âpre et de violent. Gilbert part avec nous. Aucune cajolerie n'a pu le retenir. « J'ai promis, » a-t-il simplement répondu. Hier, on prenait le thé chez le gouverneur. La princesse Vasilissa, qui était trop gaie pour n'être pas mécontente, a imaginé un jeu qu'elle a importé de Paris et qui demande une grande présence d'esprit. Quand on se trompe, naturellement on paye un gage. Les 1000 points d'or qui scintillent dans les prunelles de la princesse avaient l'éclat du diamant. Gilbert les a peut-être trop regardés. Au moment décisif où le jeu demande une réponse, il a perdu. « Me voilà à ma discrétion, » a dit la princesse. Il s'est incliné. « Eh bien, » poursuivit-elle, « je vous condamne à m'accorder la première valse que je vous demanderai, en quel lieu et à quelle heure que ce soit. »« Vous punissez comme d'autres récompenses, » répondit Gilbert en souriant. « À genoux et prêtez serment, » continua la princesse qui retirait son gant et lui tendait la main. Gilbert s'est soumis à ce badinage et portant à ses lèvres les doigts effilés de son ennemi. « Je le jure, » a-t-il dit avec l'accent d'un chevalier qui rend hommage à sa suzeraine. « Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a semblé voir les griffes d'une panthère au bout de cette main fine et blanche. » Nous sommes en marche depuis hier. Le défilé que nous suivons se prolonge dans un pâté de montagnes dont les cimes escarpées sont propices à tous les pièges. C'est au petit jour que nous avons abordé les premières pentes chargées de broussailles, au milieu desquelles rampe un chemin tortueux. Sur nos flancs courent des cavaliers. Une troupe d'élite éclaire notre marche. Henri a pris place dans cette avant-garde qui doit affronter les premiers coups. Gilbert fume un énorme cigare à côté de lui. Le prince B et les amis auront de ses officiers d'ordonnance. Le paysage est magnifique. Une végétation luxuriante, qui a toutes les violences des pays orientaux, couvre les flancs de la montagne et les ravins déchirés par mille torrents. Mais partout l'incendie a dévoré de larges pans de forêt. La guerre a fait son œuvre de destruction et le poursuit. Au milieu de cette abondance que promet la terre, la misère règne et s'étend. Quelques champs conservent encore quelques traces de culture. Le ciel est d'un bleu splendide, le soleil radieux. Les moissons ne demandent qu'à pousser. Mais deux races se sont rencontrées sur ce coin de terre, et il faudra que l'une ait raison de l'autre. La parole appartient donc au fer et au feu. En avant. Il a fallu coucher à la dure, enveloppé dans nos manteaux militaires. La nuit était claire et brillante. Le profil de la montagne chargée de neige traçait une bande lumineuse sur le fond azuré du ciel. Quel espace devant les yeux et quelle sérénité! On avait éteint tous les feux du bivouac, dont les clartés pouvaient diriger les balles ennemies. Henri dormait la tête sur une souche. Je me suis approché de lui. Sa respiration était égale et profonde. Combien de fois ne l'ai-je pas vu ainsi à la Cormelle au retour de nos longues chasses? Un peu avant le jour, quelques coups de feu ont éclaté. Henri a regagné son gîte. Le froid du matin l'a seul réveillé. Notre marche incline vers un coin du Caucase où les circassiens sont en plus grand nombre et disposés, dit-on, à une sérieuse résistance. Monsieur de Bléré tire quelques faisans dans les maquis. Certains mouvements, une prudence plus minutieuse, me font supposer que nous approchons de l'ennemi. À l'angle d'un vallon, une vive fusillade nous accueille. J'observe mes deux jeunes gens. Henri, debout sur ses étriers, regarde au loin devant lui. Gilbert observe le jeu des balles qui coupe les branches dans un taillis voisin. Aucun d'eux n'a mis la main à la garde de son épée. Monsieur de Bléré, qui braconne sur le flanc de la colonne, nous rejoint en tiraillant. Quelques paquets de mitraille jetés à propos dans les broussailles nous débarrassent de nos assaillants. Tout rentre dans le silence. Mais dans la crainte que cette retraite précipitée ne masque un piège, on lance des éclaireurs en avant et sur les côtés de la ligne d'opération. Monsieur de Bléré jette son fusil sur son épaule et l'essuie. On apporte deux blessés. L'un d'eux a une balle dans la poitrine. Le chirurgien qui l'examine secoue la tête. On étend le moribond sous un arbre. Il bat la terre à coups de talon. Avant qu'il soit un quart d'heure, la mort l'aura pris. L'autre a la jambe fracassée, il faut l'amputer. Henri et Gilbert sont auprès de moi. C'est la première fois que le spectacle de ces cruautés frappe leurs yeux. La pitié attendrit leurs visages, mais sans bruit, ils s'empressent autour des deux soldats que la guerre a touchés. Henri jette une couverture sur le mourant qui s'agite et lui présente une gourde pleine d'eau-de-vie. Gilbert soutient la tête du blessé et lui glisse dans la main une pièce d'or. Le pauvre diable laisse partir sa jambe plus tranquillement. Les deux enfants de la Cormelle ont senti l'odeur de la poudre et ont flairé l'odeur du sang. Ma conscience me crie que je fais bien de les mener par ces rues de sentier. Hier, dans la soirée, un tourbillon de neige nous a tenu fidèle compagnie pendant 3 ou 4 heures. La montagne, la vallée, le ravin, tout était blanc. On marchait dans un immense linceul dont le vent soulevait les plis. 1000 pointes d'aiguilles vous piquaient au visage. La colonne, fouettée par la bise, grelottait. On a dû faire halte au milieu des frimas. toute trace de sentier avait disparu. Mes jeunes gens se sont arrangés un gîte sous quelques branches d'arbres fraîchement coupées et ont bravement soupé de deux galettes arrosées d'eau claire. Ils ont dormi les poings fermés. À cette heure indécise qui précède le jour, Henri était désigné pour faire une reconnaissance qui présentait quelques périls. « Marche, je te suis », a dit Gilbert. Je leur ai donné une poignée de main et ils sont partis. Je n'ai pu fumer qu'après les avoir revus. L'affaire a été chaude. Dans la matinée, notre petit corps d'armée s'est trouvé en présence d'un aoul où l'ennemi s'était retranché. La position était forte. On ne pouvait l'aborder que d'un seul côté. Les colonnes d'attaque ont été formées. Avant de faire sonner les clairons, le prince B nous a groupés autour de lui. « Vous pouvez rester auprès de moi et porter mes ordres, » a-t-il dit à mes jeunes compagnons, « ou vous joindre en compagnie que j'envoie à l'assaut. Choisissez. » D'un commun accord, Henri et Gilbert ont pris congé de l'état-major. Peu de minutes après, le signal était donné et les crêtes qu'il fallait aborder se couronnaient d'un nuage blanc. Nous marchions en premier rang. Un peu d'amour-propre national se mêlait à notre élan et le rendait plus vif. Il fallait soutenir l'honneur du nom gaulois. Quelques hommes, atteints par les projectiles qui pétillaient sur les pierres en ricochant, commencèrent à rouler autour de nous. Ceux-là muets et déjà morts, ceux-là avec des cris de colère ou de stupeur. D'autres s'arrêtaient en trébuchant et cherchaient un abri derrière un pli de terrain. Les rangs s'éclaircissaient, on montait toujours. Gilbert criait « En avant !» d'une voix sonore et faisait des bonds de chevreuil. Henri le suivait plus calme, s'efforçant de maintenir un peu d'ordre autour de lui. Au moment où il venait de céder d'une branche d'arbre pour franchir un pan de rocher, une balle a fracassé le bois à l'endroit même où sa main s'était posée, et un grenadier qui se dressait derrière lui l'a reçu en plein visage. Henri m'a regardé. Un instant après, il était au fait de l'escarpement. Gilbert, qui avait eu son épée enlevée par un projectile, marchait à son côté armé d'un fusil. « Bandit, tu ne veux donc pas que j'arrive le premier ?» lui a-t-il crié joyeusement. On entrait pêle-mêle dans la houle et la mêlée est devenue furieuse. Une grêle de balles partait de toutes les terrasses. Il fallait emporter chaque maison d'assaut. C'était comme une longue suite de petites forteresses où la résistance, en battant en retraite, s'acharnait. Les femmes n'y mettaient pas moins de rage. Elles animaient la tribu de leur exemple. Les petits garçons se battaient. Gilbert en a pris un dans ses bras qui criait comme un tigre et qui, tout couvert de sang, cherchait à l'éventrer d'un coup de couteau. Henri en a tiré deux d'une maison en flammes, où il s'obstinait à charger et à décharger une paire de pistolets énormes. Une dernière troupe de montagnards, noirs de poudre et mutilés, a disparu à travers des rochers où des chèvres n'auraient pas osé se risquer. Quelques coups de fusil ont encore éclaté çà et là, et une rumeur sourde a succédé au bruit retentissant de la bataille. J'ai rencontré Henri et Gilbert au milieu du village, pâles et tout animés encore du feu de la lutte. Leurs habits étaient déchirés en vingt endroits. Le tranchant d'une lame les avait égratignés, l'un au bras, l'autre au front. Ma poitrine s'est soulevée et j'ai remercié Dieu. « Êtes-vous content, monsieur le duc ?» m'a dit Gilbert. « Ah, qui ne le serait à ma place ? Tels j'ai voulu qu'ils fussent, tels ils sont. » Nous avons parcouru ensemble le plateau où fut la houle. De ce nid de Tcherkesse, il ne reste rien que des décombres et quelques poignées de cadavres. On en voit coucher dans toutes les attitudes. Ceux-là, surpris par l'agonie, déchirent des mottes de gazon de leurs mains crispées. D'autres ont encore les doigts noués autour des fusils. Le terrain est taché de plaques rouges. Il y a des enfants morts au seuil des portes. Des chèvres errent en bêlant autour des cabanes, cherchant leur maître. Des cosaques les poursuivent et les percent à coups de lance. Un mouvement plus silencieux indique la place des ambulances. Des brancards y déposent à toute minute les blessés qu'on ramasse de tous côtés. Les circassiens conservent une impassibilité farouche. Notre promenade se fait plus lente. Nos deux jeunes gens sont attentifs et graves. Henri tire par la manche un officier d'état-major et lui emprunte quelque argent qu'il distribue aux blessés. Gilbert parle à des soldats moscovites qui ne le comprennent pas, mais qui sourient en le voyant sourire. Il a vidé son porte-cigare entre leurs mains. Le prince B, qui passe une inspection, nous aborde. « Bravo, messieurs !» dit-il à mes deux enfants. « Vous vous êtes bravement conduits. »« Prince, » répondit Henri, « nous avons fait notre devoir. » Et Gilbert plus gaiement, « Diable, et l'honneur du pavillon ! S'écrie-t-il. Ils apprennent presque aussitôt que leurs noms seront mis à l'ordre du jour de l'armée. Gilbert est enchanté. Jamais mes amis du boulevard des Italiens ne croiront qu'il s'agit de moi, dit-il. Henri sourit et secouant la tête. Il ne s'en est fallu que 2-3 secondes, reprend-il, et au lieu d'être un héros, je n'aurais été tout simplement qu'un blessé. L'ivresse ne les a gagnés ni l'un ni l'autre. Sur ces entrefaites, M. de Bléré nous arrive, suivi de 2 soldats qui plient sous le poids des armes. Il s'est jeté au plus fort de la mêlée et en a rapporté des casques, des poignards, des boucliers, des sabres, des haches, toute une panoplie. Ce sont des souvenirs de voyage, nous dit-il.